Franco Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Un malade de l'hôpital de Rutovu a été testé positif ce jeudi à la variole du singe, tandis qu'un autre cas suspect est signalé à l'hôpital du chef-lieu de la province de Bururi. Notre correspondant sera en ligne dès le début de ce journal. Et dans la province voisine de Rumonge, notre correspondant nous rapporte que le recensement des affiliés de la mutuelle de la fonction publique connaît des lenteurs énormes liées à la logistique. Et en Ngozi, environ une tonne et demie de café a été interceptée en l'espace d'un mois dans les communes frontalières avec le Rwanda. Nous terminerons ce journal par la chronique environnement. Il sera question de la chaîne de froid et de ses impacts sur l'environnement. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je venais de vous le dire, un malade de l'hôpital de Rutovu dans la province de Bururi a été testé positif ce jeudi à la variole du singe. Un autre cas suspect est signalé à l'hôpital de Bururi. Selon les informations, soit respecté les détails dans cette correspondance de Zénon. C'est une fillette de 2 ans originaire de la colline Gikanagwa-Mawuya en commune Rutovu de la province de Bururi, hospitalisée à l'hôpital du district sanitaire de Rutovu, qui a été testée positive ce jeudi à la variole du singe. Notre cas suspect est signalé à l'hôpital de Bururi, de 70 ans, originaire de la colline Mahonda en zone commune de Bururi. Tous sont sous le traitement symptomatique de cette épidémie, c'est le directeur de la santé à Bururi. Il fait savoir que 3 cas signalés le mois passé sur la colline Nyakimonya, commune Mugamba de la même province, dont Amor, qui présentait les mêmes signes de la variole du singe, ont été testés négatifs. Dr Venanya Bikiela a dit ce jeudi, c'était au cours d'une réunion d'échange sur cette épidémie, une réunion organisée par le gouverneur de la province de Bururi. Colonel Dasba Lezama Sodomemeke, Dr Venanya Bikiela, appelle les administratifs à tous les niveaux, les représentants des confessions religieuses et d'autres représentants de la population à Bururi à sensibiliser la population de cette province pour observer correctement les mesures préventives déjà annoncé par le ministère et à la santé dans ses attributions. Il recommande l'installation des seaux contenants de l'eau propre et des savons dans tous les lieux les plus fréquentés, comme les églises, les marchés, devant les boutiques et les bureaux, pour que les gens se lavent régulièrement et correctement les mains. Ils appellent la population à éviter tout contact avec les personnes présentant les signes de cette maladie et à consulter les structures de soins en cas de maladie, surtout que les signes de la variole du singe sont maîtrisés une fois traités à temps. Au moment où certains de la population du chef-lieu de la province de Bururi, avec une somme entretenue, demandent que toutes les structures de soins soient dotées de moyens pour diagnostiquer la variole du singe, Dr Veneranya Bikiye dit que le ministère et la santé dans cette attribution est à l'œuvre pour trouver des solutions à tous les défis. Vous saurez que 25 cas de cette épidémie ont été déjà confirmés dans tout le pays et sont sous le traitement symptomatique dans différents hôpitaux, selon les données en provenance du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon. Et une quarantaine de personnes exerçant dans le secteur de la santé, dont 19 militaires américains, viennent d'achever un exercice d'échange d'expérience de leurs compétences médicales de plus de 2 semaines. Le directeur général de l'hôpital militaire de Kamenge, Marc Nimburanila, indique que cette activité a permis à ses personnels d'acquérir des connaissances qui vont leur permettre d'être plus performants dans leurs prestations. On l'écoute. Nous venons de clôturer un exercice conjoint mené entre le personnel de l'armée américaine et le personnel de l'hôpital militaire de Kamenge. C'est un exercice qui vise au renforcement des capacités et qui contribue au développement de nos connaissances, renforcer les connaissances de nos personnels en vue de donner des soins de qualité. Les départements qui ont été intéressés par cet exercice sont respectivement le département de réanimation, le département de gynécologie obstétricale, la dentisterie, le département de maintenance. Les professionnels de santé, que ce soit du côté américain, que ce soit du côté de l'hôpital militaire, ont eu à échanger leur expérience et je crois qu'à la fin de l'exercice, tout le monde est content. Du côté américain, ils en profitent, ils voient dans les endroits à ressources limitées comment nous parvenons à soigner les patients et arriver à de bons résultats avec des ressources limitée surtout des moyens diagnostiques tels que l'imagerie et autres qui ne sont pas disponibles, mais on arrive quand même à avoir de bons résultats. Et de notre côté, notre personnel gagne parce qu'ils apprennent aussi de nouvelles techniques, que ce soit pour opérer, que ce soit dans les autres domaines, tels que aussi dans la maintenance des équipements. Globalement, c'est un exercice qui a été très bénéfique, que ce soit de notre côté ou du côté américain. Et pour nous, ça nous aide à arriver à l'objectif qui est celui d'avoir des connaissances suffisantes pour donner des soins de qualité. Marc Nimburanira, directeur général de l'hôpital militaire de Kamenge, dont les propos ont été recueillis par Francine Dihokugayo. On reste dans ce domaine de la santé pour parler des premiers jours de menstruation chez les jeunes filles et les dames, appelées dysménorrhées. Elles peuvent être douloureuses et souvent accompagnées de crampes au niveau du bas-ventre, ainsi que des vomissements. Explication donnée par le gynécologue Sylvestre Gahungu. Au moment où certaines jeunes filles témoignent que leur douleur qu'elles ressentent au moment des règles les perturbe pendant leurs activités scolaires, Dr Gahungu Sylvestre tranquillise et dit que ces douleurs peuvent être médicalement traitées et appelle les parents à rassurer leurs adolescentes pour qu'elles puissent bien traverser cette période. Le point avec Sheila Irambona. Comme l'explique le gynécologue Gahungu Sylvestre, ces douleurs sont dues au fait que les muscles de l'utérus se contractent pour expulser l'ovule non fécondé. Selon lui, ces douleurs se passent entre 1 et 2 jours au début des règles. Ce sont des règles douloureuses dues effectivement à la contractilité des muscles utérins suite aux prostaglandines, effectivement en vue d'expulser cette muqueuse, ces saignements effectivement qui étaient dans la muqueuse utérine, qui étaient préparés pour recevoir l'œuf fécondé en cas d'ovulation. Certaines jeunes filles avec qui nous sommes entretenues indiquent que ces règles douloureuses les empêchent de bien vaquer à leurs activités, ainsi de suivre en classe. Et un des parents indique que malgré ces douleurs, elles ne donnent pas de calmant pour ces jeunes filles. Pendant cette période, j'ai des douleurs au bas-ventre, mais elles s'estompent petit à petit, de jour en jour. Je me sens fatiguée aussi. Je n'arrive pas à bien suivre les cours comme à l'accoutumée. Ma mère n'est au courant de rien. Comme je suis une grande fille, je garde le secret. Moi, j'ai des maux de ventre et il arrive à ce que je ne fais rien. Chez nous, on se départage les tâches. On se dit, tel fait le ménage et l'autre fait la vaisselle. Mais lorsque j'ai ces douleurs, on m'épaule et je reste alitée. Je ne leur donne pas de médicaments. Ces douleurs s'estompent comme cela. Ma fille peut avoir ces douleurs pendant une journée ou deux, ou elle peut passer cette période sans avoir de douleur. À cela, le docteur Sylvestre Gahungu indique que, si nécessaire, il faut prendre des calmants pour soulager ces douleurs. En présence effectuant de ces signes, surtout chez les jeunes filles, on s'est mensuré premier lieu, cette douleur, c'est très pénible. Il y a des médicaments qu'on peut donner effectivement pour les soulager, surtout à base effectivement des anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple l'ibuprofène, mais aussi le repos, surtout le repos physique. Donc, ces mamans expliquent à ces jeunes filles effectivement que c'est d'abord que c'est physiologique, que c'est passager. L'autre conseil donné est de pratiquer l'activité physique après ces règles, car ça permet de prévenir ces douleurs. Sheila Irambona. L'utilisation des téléphones portables jugés inappropriés, des coupures répétitives de courant électrique et la lente connexion Internet sont des handicaps au bon déroulement du recensement des affiliés de la mutuelle en cours à Rumonge. Selon leur dire, ceux qui se sont exprimés demandent à la mutuelle de se préparer dans de telles circonstances. Au niveau du ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions, on informe que ce recensement a été préparé et que les problèmes pour l'essentiel n'émanant pas de la mutuelle seront contournés. Jean-Pierre Misago. À partir de ce mardi, jour du début du recensement des affiliés à la mutuelle de la fonction publique en commune Rumonge, des va-et-vient de ces affiliés s'observent au niveau bâtiment provincial, une des places où se fait ce recensement dans la ville de Rumonge. Tantôt, ce sont des téléphones portables des agents recenseurs de la mutuelle qui cessent de fonctionner. Tantôt, c'est la lenteur de la connexion Internet qui rend difficile l'enregistrement d'un seul affilié ou encore c'est la coupure du courant électrique qui paralyse tout. Alors que un affilié peut passer deux journées consécutives en attente d'être recensé avec le coût actuel du ticket de transport pour ceux des localités éloignées. Certains de ces affiliés se demandent sur le bien fondé de ce recensement intervenu quelques temps après l'obtention des cartes biométriques d'une validité de 10 ans. Un recensement qui, selon eux, s'opère sans matériel approprié. Il est de Fonce Majambéré, porte-parole du ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, dit que la possession d'une carte biométrique n'exclut pas l'actualisation de la base des données des bénéficiaires chaque fois que de besoin. S'agissant de l'utilisation de leur propre téléphone portable par les agents recenseurs de la mutuelle, ce porte-parole dit qu'il s'agit des outils utilisés dans d'autres recensements et qui ne constituent pas en soi un obstacle. Le grand problème est le faible débit du réseau Internet aggravé par ces coupures répétitives de courant électrique, l'augmentation du nombre des agents recenseurs, là où il y a un grand nombre d'affiliés et des recensements zonaux sont envisagés, informe Il est Défense Majambéré, qui rappelle que l'affilié qui ne sera pas recensé aura des difficultés à pouvoir bénéficier des services de la mutuelle de la fonction publique. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Environ 1,5 tonne de café qui allait frauduleusement traverser la frontière ont été saisies en un mois, principalement dans les communes de la province Ngozi, frontalière avec le Rwanda. Annonce faite par le gouverneur de cette province au jeudi lors d'un point de presse qu'il a animé. Désiré Minani demande à la quadrilogie de consentir plus d'efforts pour faire face à ce commerce frauduleux. Apollinaire Muzagara. Comme l'indique le gouverneur d'Ngozi, Désiré Minani, le commerce frauduleux transfrontalier de certains produits, notamment le café, existe toujours dans cette province. Mais l'administration, de commun accord avec ses partenaires en matière de sécurité, lutte selon Désiré Minani avec force ce commerce et saisissent même pas mal de ses produits. Il parle entre autres de 1600 kilos de café saisi il y a un mois dans les communes Busiga, Mumba et Marangara, frontalières avec le Rwanda. Le gouverneur Désiré Minani demande à la quadrilogie la combinaison des efforts dans cette lutte afin d'arrêter cette fraude qui fait perdre au gouvernement pas mal de devises. Des motos qui font le commerce frauduleux du carburant sont également saisies ces jours-ci dans cette province. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. L'ancien recteur du centre jeune Kamenge, Père Claudio Marano, prenait la paix, la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est le témoignage de ceux qui l'ont côtoyé. Parmi ceux-là, sœur Marie-Gorette Manirakose, qui déclare qu'il leur prodiguait chaque jour des messages de consolation quand le Burundi traversait des moments difficiles de guerre. Alors que Père Claudio Marano, décédé dimanche dernier, samedi dernier, pardon, a été enterré ce jeudi dans son pays natal, l'Italie. Certains jeunes qui ont évolué au centre jeune Kamenge indiquent que les différentes formations reçues dans ce centre les aident pour le moment dans la vie quotidienne. Jean-Marie Vianney, Ngendakumana. Père Claudio Marano était un homme rassembleur caractérisé par un esprit d'amour et capable de gérer les différentes situations. C'est un témoignage de Bofis Nzouabonimana, l'aide jeune et a évolué au centre jeune Kamenge. Il ajoute que la formation en informatique qu'il a reçue dans ce centre l'aide pour le moment dans sa vie quotidienne. Père Marano Claudio était une icône pour la jeunesse des quartiers nord. Il était quelqu'un inclusif. Il ne regardait pas la race, ne regardait pas l'ethnie. Il nous disait chaque fois qu'il faut construire un monde des frères. Nous vivons dans la fraternité. J'ai étudié l'informatique, j'ai étudié le Word, j'ai étudié l'Excel, j'ai étudié plusieurs applications. Je peux remercier le centre jeune. Deuxièmement, moi, maintenant, je suis choriste gospel. Je suis dans un groupe à midi chant. J'ai beaucoup évolué. Sœur Marie Goretti Manirakose et a œuvré avec Claudio Marano, indique qu'il était engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et qu'il aimait donner les messages de consolation car le Burundi traversait les moments de guerre civile. Ce que je veux dire du père Claudio, c'était un père de paix et de tranquillité. Surtout, c'était un père animé d'amour. Moi, je voyais par exemple comment il était attentif. Chaque fois qu'il y avait une sorte de fête, il essayait de publier pour faire connaître la fête à tout le monde. Parce que lui, il savait que nous formons une famille. Alors, sachant que nous sommes dans une famille, c'est-à-dire que nous devons partager les joies, même les difficultés. Cette attention de Père Claude m'a beaucoup touché. Son humilité d'être au milieu des jeunes, de partager tout, sans dire comment je peux partager à ce jeune qui semble sale, non. Il avait un esprit ouvert envers tout le monde. Et cet esprit de rassemblement, d'ouverture, ça m'a beaucoup touché chez le Père Claudio. Il exhorte les jeunes en général et ceux qui ont évolué au centre jeune en particulier d'être visionnaires et d'avoir un esprit ouvert comme le souhaitait Père Claudio Marano. J'invite les jeunes à avoir un cœur ouvert, avoir d'abord une vision à réaliser parce qu'on ne peut pas réaliser ce que tu n'as pas vu. Avoir l'objectif de la vie. Et pour y arriver, je les conseille, je les invite à avoir un cœur d'amour, un cœur de paix, surtout de compréhension. Parce que si le Père Claude a vécu des incompréhensions, mais comme un père qui connaît Dieu, qui a l'objectif d'amour envers les jeunes, il ne se décourage pas. Père Claudio Marano a rendu son âme à l'âge de 74 ans, en date du 27 juillet 2024, dans son pays natal, Italie, suite aux maladies de cancer. Il a été inhumé ce jeudi, le 1er août 2024. Radio Isanganiro, chronique environnement. La chaîne de froid permet de conserver des produits périssables pendant une longue période. Explication de l'expert en réfrigération et climatisation, ingénieur Sylvestre Mandelakiza. Il donne l'exemple des médicaments et des aliments. Toutefois, cet expert nuance et déplore que la chaîne de froid a un impact sur l'environnement suite aux substances utilisées dans ce domaine. Les détails dans cette chronique environnement préparée et présentée par Vestine Boutoui. Avec la démographie galopante, les ressources naturelles deviennent de plus en plus insuffisantes. Au Burundi, le secteur de la réfrigération n'est pas développé, d'où, selon les études menées, il a été démontré que 50% des fruits et 40% des poissons se perdent faute de la chaîne de froid. D'après l'expert en réfrigération et climatisation, ingénieur Sylvestre Mandelakiza, la chaîne de froid est nécessaire pour allonger la période de vie des produits périssables, comme des médicaments et des aliments. Après la récolte, il faut immédiatement protéger les aliments, il faut les mettre dans un entrepôt frigorifique. Un entrepôt frigorifique spécifique pour les produits, parce que tous les produits n'ont pas la même température de conservation. Et il y a la viande qui peut être conservée à 0 degré. Si vous voulez conserver pour une petite durée, une semaine, 4 jours, mais si tu veux faire une longue conservation qui peut arriver à une année, tu peux la conserver dans des chambres froides négatives, à des températures de moins 25, moins 30 au niveau de la conservation des produits. Ça permet alors au monde de pouvoir stocker, de pouvoir conserver les aliments et d'éviter les pertes. En outre, la réfrigération est utilisée dans les technologies de l'information et de la communication. Il y a le secteur de TIC, technologie d'information et de communication, qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans informatique. Les ordinateurs, même la santé publique, les scanners et autres équipements médicaux, ils sont contrôlés par ordinateur. Alors, si les serveurs ne sont pas conditionnés comme il faut, si la température monte, on perd le réseau et vous n'avez plus à fonctionner. Cependant, la chaîne de froid a des impacts sur l'environnement suite aux substances utilisées dans ce domaine. Toute activité de l'homme a un impact. Seulement, ils ne sont pas au même niveau. L'homme ne consomme que les produits naturels pour qu'il vive. Alors, ces produits naturels, il faut consommer moins pour éviter de les consommer tous. Et le secteur de la réfrigération et de la climatisation a un impact parce qu'il consomme, je vous ai dit qu'il consomme 20% de l'énergie. Et il y a déjà un impact environnemental dû à la consommation d'énergie. Parce que l'énergie qu'on consomme, il est produit par l'énergie des eaux. Et l'énergie des eaux a des impacts. Soit on consomme avec des générateurs qui utilisent le gazoil, soit on utilise autre chose. Mais le plus important et le plus dangereux, c'est les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone, les émissions de substances qui ont un pouvoir de réchauffement global élevé. Pour ce, ingénieur Sylvestre Manilakiza, expert en réfrigération et climatisation, conseille aux frigoristes de rester vigilants pour éviter la pollution de la couche d'ozone. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.